Radio Guémozo, j'espère que tu es en pleine forme. Nous sommes lundi 24 mai, c'est férié, mais on est là quand même en direct avec toi. Je suis Lia, je suis ravie de t'accueillir dans cette émission L'Odeur du Son, et que ça sent bon encore une fois dans ce studio. Aujourd'hui, comme tous les lundis, eh bien, info locale, disque chouchou au menu, mais pas que, tu t'en doutes. Avec moi dans les studios Dom, de Dominique Lambert, je vais dire en entier, de la gastronomie à Dom. Et il n'est pas venu seul, il est venu accompagné, très bien accompagné, d'Adrien de la brasserie Lapin Beige. Bonjour Dom, bonjour Adrien, comment ça va? Bonjour à vous. Bah, comme un lundi, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça veut dire ça va, il y a du soleil, donc c'est cool. Alors aujourd'hui, Dom, tu nous prépares à manger pour notre plus grand plaisir, et tu co-animes aussi cette émission, hein, car tu vas venir régulièrement accompagné d'artisans producteurs locaux, et pour ça, eh ben, je te dis mille fois merci. Donc sois spontané, si t'as une question qui te vient, vas-y, lâche-toi, fais-toi plaisir, ok? Pas de problème, tu peux compter sur moi. Ok. Pas de souci. Adrien, tu es venu les bras chargés. Qu'est-ce que tu nous as ramené là? Bonjour Dom, bonjour Lia. Merci de m'accueillir. Donc je suis venu avec une petite bière qui s'appelle la Ipin A, donc une bière au pain, dans laquelle je remplace une partie du malt par du pain dans une démarche de revalorisation des déchets. Et je suis venu avec un petit vin de fleurs, donc c'est un petit test, c'est un mélange entre un vin de rhubarbe et un vin de sureau. Miam, on va goûter tout ça, on va finir à consommer avec modération, évidemment. Tu es donc à la tête de la brasserie La Pimbèche, brasserie située à Vannier, c'est bien ça? Exactement, dans la rue des Grands Prés, la rue qui va direction Sapois, Gérardmer, voilà. Yes. Dans la grande rue là. Tu es là depuis quand, installé là-bas? Écoute, ça fait à peu près un an. En fait, je suis arrivé le premier jour du premier confinement l'année dernière. Ah ouais, c'est pas vrai? Ouais, tout à fait. Incroyable. Moi, j'avais ce projet-là depuis un petit moment, mais du coup, ça s'est fait comme ça. Ça t'a pas fait peur de t'installer là comme ça? Tu te ouais, dis bon? Non, j'ai pas peur. C'est bien. Et donc j'ai commencé l'aménagement, en fait c'est dans le garage de mes parents, donc j'ai réquisitionné le garage, on a fait du tri, on a tout enlevé, tout vidé, et puis j'ai aménagé la brasserie là-dedans. Super. Pourquoi tu as donné ce nom, la Pimbèche, à la brasserie? Alors, pourquoi la Pimbèche? On me pose souvent cette question. Bah oui, c'est étonnant. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Au début, il y avait une possibilité de jeu de mots avec le pain, bien évidemment, puisque c'était déjà prévu que je revalorise le pain dans certaines de mes bières. Donc, évidemment, avec la Pimbèche, il y avait une possibilité de jeu de mots. Aussi, évidemment, une des raisons principales, c'est parce que j'aime bien les femmes de caractère. Ah bon? Les femmes qui se laissent pas faire. Donc pour moi, une Pimbèche, c'est un peu cette définition. Okay. Et puis aussi, évidemment, parce que si j'étais une femme, je serais une Pimbèche. Ah bah, ça, c'est génial. Il n'y a pas meilleure raison. Alors, Dom, qu'est-ce que tu nous prépares, là? Alors, aujourd'hui, c'est onglet de bœuf. Ouais. Onglet de bœuf avec une sauce à la bière, forcément. C'est pour ça qu'on est venu avec Adrien. Et ouais. Je te laisse expliquer la bière si tu veux, qui sera utilisée. Tout à fait. Donc, alors la bière qui va être utilisée aujourd'hui, c'est pas celle que tu utilises d'habitude, quand même, faut le préciser. Ouais, faut le dire. Voilà. Parce que du coup, aujourd'hui, je suis venu qu'avec celle-là, donc bah, il travaille avec. C'est une innovation là que tu nous fais. Bah, c'est ça, on s'adapte. Ah, c'est génial, on adore ça. D'habitude, il prend l'embrousse, il me semble, pour cuisiner ce plat-là. Donc là, ça va changer. Donc la bière, elle s'appelle la Ipin A, sur la base d'une IPA, d'où le nom Ipin A. Donc c'est une bière qui est très houblonnée, avec différentes techniques de houblonnage pour faire ressortir au maximum les arômes de houblon. Donc on a vraiment des arômes fruités, floraux, un petit peu, pas mal d'amertume aussi, évidemment. Voilà. Quand on l'entend couper ses oignons, là, c'est merveilleux. C'est ça, c'est pour mettre justement pour la sauce. Moi, je vais l'accompagner donc épinards frais, Et puis l'onglet, il sera donc à la sauce pain beige. La sauce pain beige, je l'ai fait oignon, crème, bière, sel, poivre, c'est tout. Impeccable. Voilà. Eh, mais simple mais efficace, j'en suis sûre. C'est facile pour toi de travailler les produits comme ça À partir du moment où c'est des bons produits, donc forcément c'est tout de suite plus facile de les travailler. J'essaie d'avoir un peu de créativité pour essayer de les adapter. Au début ça marche pas forcément. Après faire 2-3 réglages et puis toujours goûter le produit avant, toujours comme ça au moins on sait un peu ce qu'on peut faire avec, savoir le goût qu'elle a. C'est vrai que j'avoue qu'aujourd'hui on va voir. Je vais essayer de c'est pas freestyle, mais confiance. C'est une première avec la bière là, donc on va voir ce qu'on peut faire, on essaiera d'améliorer. De toute façon, j'ai 2-3 produits en plus s'il faut pour améliorer coup, un petit peu. Ouais. Ça vous arrive souvent de collaborer tous les deux, Dom, tu travailles souvent les produits d'Adrien. Est-ce que toi Adrien, tu goûtes ce qu'il fait pour lui donner un petit peu ton avis? Oui bien sûr. Moi, je suis rarement déçu par ce que fait Dominique hein, donc et on travaille régulièrement ensemble. Bah, il me prend surtout des bières. Après, lui, il connaît les autres produits, mais d'une autre manière, pas forcément pour les cuisiner. Allez, ça c'est dit, t'es grillé, voilà. Dame. Hop, ça c'est bon. Toujours goûter le produit, on regarde toujours nous-mêmes. Voilà. Toujours goûter le produit. Toujours goûter. Et puis, la dernière fois, je vous ai parlé de... Je suis venu avec un dessert qui était au CBD et au Drèche. Donc génial. Les Drèches viennent de la brasserie Lapin Bêche. Donc voilà, il y a pas que la bière qu'on peut utiliser, il y a aussi les drèches. Si tu veux expliquer, on en a parlé un peu la dernière fois. Oui, mais voilà, c'est, en gros, c'est les céréales qui sont utilisées pour fabriquer la bière, qui sont infusées dans de l'eau. Qu'on récupère et qu'on revalorise soit en faisant de la cuisine. Moi, ça m'arrive de faire des petits crackers que j'offre aux clients aussi. C'est génial. Sinon, ça va à la ferme des Préambules pour les ânes et les bêtes qui l'élèvent là-haut au col de Saprosse. Super. Ça fait partie à part entière de ton projet. Hein. C'est cette méthode de fonctionnement. On en parlera tout au long de cette émission. Alors, j'imagine que vous connaissez bien quand même tous les deux. Vous avez l'air d'avoir une sacrée complicité. Comment ça s'est fait, votre rencontre? Depuis quand vous connaissez? Alors, on se connaît depuis très longtemps parce que nos parents travaillaient ensemble, donc on se connaît depuis tout petit. On n'a pas trop évolué ensemble. Enfin voilà, on se connaît depuis tout petit, mais on n'a pas eu forcément d'affinité. Enfin, on partageait pas forcément de moments ensemble avant. Vous n'étiez pas amis, quoi. Connaissance, non, enfin, de on vue, se connaissait, quoi. Voilà. On... Disons que moi, j'ai plus l'âge de son petit frère que le sien. Oui, bah, bon, il y a un an d'écart. Hein, donc trop mal pris là. Il a trop mal pris. Ne dis pas que je suis vieux quand même. Ne m'abuse pas, tu vois. Je suis de 87, mon frère est de 88 comme Dom. Donc voilà. Non, puis on a fait du basket ensemble. Et puis du coup, depuis que je suis revenu, bah forcément les domaines se matchent, donc on s'est rapprochés. Et puis depuis, bah on collabore et puis on fait partie de la même association. Eh oui, justement, je voulais en parler. Dom m'a donc dit tout ça. Je souligne donc que vous faites partie tous les deux de l'association In Vosges We Trust, dont tu es le président, Adrien, c'est ça? Du coup, oui, je suis président depuis pas très longtemps, suite malheureusement au décès de Rudy. On a dû remodifier donc le bureau et donc j'ai pris la suite de Rudy et Dominique est le vice-président. Ok, ah oui, on a du beau. Donc là, vous avez la crème. Est-ce qu'on peut en parler un peu de cette assoce là et de son rôle? Bien sûr. Donc c'est pareil, hein, c'est tout nouveau. Ça a été créé l'été dernier. On s'est rassemblé avec plusieurs entrepreneurs vosgiens, du coup, hein, c'est pas limité aux Hauts-de-Vosges, c'est vraiment vosgien. Et donc le but était de créer une émulation, de se rapprocher pour pouvoir aussi bénéficier des avantages, des compétences des uns et des autres. Et donc le but, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat, le savoir-faire vosgien de par des événements. Que ce soit des concerts, des marchés ponctuels, etc., etc. Vous êtes combien de membres dans cette association? Alors, c'est une bonne question. On va appeler la secrétaire. Quelques-uns. On va dire une quinzaine, entre 15 et 20 pour le moment. Ok, c'est cool. Voilà. Et sachant qu'on essaye de garder un seul entrepreneur par corps de métier pour pas créer de concurrence au sein de l'association. Ok. Est-ce qu'il y a des futurs événements qui vont bientôt arriver ou peut-être c'est un petit peu délicat d'en parler maintenant? Ce week-end, on devait faire un stand au concert à Rochesson qu'on n'a pas fait du coup, hier du coup. Mais non, sinon pour le moment, on prévoit rien puisqu'on n'a pas de visibilité, on a déjà perdu pas mal de temps et d'énergie à essayer d'organiser des choses qui ont été annulées au dernier moment. Donc là, pour le moment... il y a rien de prévu. Après, ça veut pas dire qu'il y aura rien parce que ça peut se faire vite. Mais pour le moment, il y a rien en prévision. Ok, je comprends bien. Ça avance, Dom, de ton côté là? Gentiment. La sauce, elle devrait être pas trop mal. Je vais m'occuper du bœuf quand même pour le cuire. Oui, quand même. Et puis on est pas mal. Ah, c'est cool. On se régale dans le studio de Radio Guémozo et pas qu'avec les papis, je vous le dis, je te le dis, auditeur. Allez, c'est le moment où je te passe mes premiers disques chouchous, mais qu'est-ce que je vais bien te jouer? On va commencer par California Dreaming de Bobby Womack. Et puis, s'en suivra un son que tu as choisi, Adrien, I'm Brazil. De qui déjà? De Redneck Manifesto. Voilà, c'est ça. Je ne connais pas. Je vais découvrir. Bonne découverte. Avec vous, avec toi, auditeur. On se retrouve tout de suite. Allez. All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. Stay, I'm calling so. Manifesto sur Radio Guémozo. Ouah, c'était bien cool ça. Merci Adrien. Avec plaisir. Non, tu sais, t'es pas obligé de remettre ton masque quand tu parles devant le micro, t'inquiète pas. Ah, il a une protection, le micro, il risque rien. Voilà, c'est ça, c'est fait exprès. Quelle chance de vous avoir avec moi tous les deux, Dom et Adrien. On passe un bon moment, là. Moi, je suis super contente que vous soyez avec moi, voilà, dans les studios. On boit un petit peu de bière, elle est super bonne en plus. Vraiment, bravo. Allez, je passe une petite info locale. Le parc Huy Douglis vient de réouvrir ses portes. La version d'été vous propose de nombreuses aventures à partager en famille. Venez profiter du printemps dans la quiétude de la forêt vosgienne. Une nature calme et préservée pour vous accompagner et vous faire apprécier les plaisirs de la glisse et des aventures en montagne. Voilà, rien de mieux que Widou, le renne malicieux et la mascotte du parc dont la thématique est inspirée des pays nordiques. Alors, luge d'été en bouée, trottinette tout terrain, girouette d'été, chasse au trésor, sentier d'essence et plein d'autres à découvrir. C'est ouvert tous les week-ends de mai, juin et le 3-4 juillet de 11h à 18h, puis le 7 juillet au 29 août de 10h à 18h du mardi au dimanche. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur leur site www.huydouglis.com. Waouh, il faut que je respire un peu là. Alors Adrien, avant le truc qui sort de l'ordinaire, enfin en tout cas pour moi, je voyais pas un mec qui fait de la bière, enfin avoir une brasserie, être opticien avant. Bah, vous savez, c'est pas très différent, chance juste de cul de bouteille. C'est oui, c'est vrai que dit comme ça. Comment t'es passé de l'un à l'autre? Enfin, un jour, tu t'es dit que t'en avais marre de. Bah, alors, en fait, un peu comme. Enfin, j'imagine comme tout le monde, quand on sort de l'école, on doit faire des choses, donc on choisit un peu par défaut. Bon, bien sûr, ce métier m'a plu, hein, je l'ai fait pendant plus d'une dizaine d'années, presque 15 ans même. Donc, mais voilà, si j'avais eu le recul que j'ai maintenant au moment où j'ai choisi mon métier, j'aurais peut-être pas choisi ça quand même. Ouais. Donc, au bout d'un moment, réflexion se faisant, moi je faisais ça pour le plaisir et pour moi. Donc, ça faisait un petit moment que je cherchais autre chose à faire. J'ai exploré plusieurs pistes et au final, c'est celle-ci qui a fait que je suis revenu. Ça me permettait aussi de me rapprocher de ma famille qui était ici, parce que moi j'étais en Isère pendant 10 ans. Ah oui, d'accord. Donc se rapprocher un petit peu de la famille, des parents, profiter d'eux pendant qu'ils sont encore en forme, hein, bien sûr. Mais oui, faut. Donc voilà, et ça s'est fait comme ça. Mais à quel moment tu t'es dit, là ça y est, je me lance, tu vois, c'était quoi un petit peu le déclic? Bah ça faisait, donc moi j'ai fait un burn-out quand je travaillais comme opticien, donc à partir de là j'ai commencé à réfléchir à faire autre chose aussi, parce que j'avais envie d'autre chose tout simplement, et j'ai commencé à m'orienter vers l'ouverture d'un bar à jeux. Bar à jeux, puisque moi je fais aussi beaucoup de jeux de société, j'ai une petite ludothèque perso, et puis je me suis dit pourquoi pas un petit bar à jeux. Allez. J'ai exploré cette voie, mais finalement les informations qui me revenaient, la vie a fait que je n'ai pas fait ça, et puis du coup au final je me suis dit bah pourquoi pas faire ça. Je faisais tous les ans un petit peu plus de production, puis au bout d'un moment je me suis dit bon allez, il a juste fallu que mes parents me disent oui. C'était la condition sine qua non. Et donc, une fois que c'était acté, bah, j'ai déménagé, je suis revenu ici. Bah, nous, on aime bien les jeux de société, mais on est quand même content que tu aies ouvert une brasserie, en fait. Hein. Oui, ouais, on peut faire les deux, il n'y a pas de problème. Comment tu as appris à brasser? J'imagine que ça ne s'invente pas, ça, quand même. Il y a une technique à avoir, non? Autodidacte, je me suis formé tout seul, j'ai appris tout seul avec Internet. C'est la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que quand même on peut trouver les informations facilement. Donc, puis ben après c'est de la pratique, hein, évidemment, c'est comme tout. Hein. C'est pas très compliqué de faire de la bière. Après faire de la bonne bière, d'être constant, c'est autre chose. Mais tout le monde peut faire de la bière chez soi sans trop de problèmes. Après voilà, c'est une question de temps, c'est une question aussi un petit peu d'investissement forcément, mais tout le monde peut faire de la bière. Après, et puis la bière c'est le partage, hein, donc voilà. Mais à quel moment t'es tombé dans le cuveau? Comment on dit d'ailleurs? Il y a longtemps. On dit quoi? Il y a une cuve, c'est quoi? Il y a différentes cuves, voilà, des grosses casseroles. Alors quand est-ce que t'es tombé dans la casserole alors? Alors je suis tombé dans la bouteille avant la casserole, mais... D'accord. Mais on va dire, il y a... T'en avais marre d'en boire, tu t'es dit, faut que j'en fasse. Mais je me suis dit, si je la faisais moi-même, ça serait peut-être mieux que ce qu'on me propose dans le commerce. Et au final, c'est un peu vrai pour tout. Oui, c'est vrai. C'est quoi qui te dérange dans ce qui existe dans le commerce? C'est les produits rajoutés, c'est... Bah, alors maintenant, j'ai vraiment beaucoup de mal à boire des bières industrielles parce que voilà, on sent vraiment les additifs. Il y a du colorant, il y a du sucre, ouais. Et ça, je le sens et j'ai beaucoup de mal. C'est vrai. Mais bon, après, il en faut pour tous les goûts. Je dis pas que. Ah, bah non, on juge pas. Je ne juge pas, c'est juste voilà, mon point de vue. Tout à fait. Voilà. Et Dom, ça sent bon là. Ouais, ça sent très bon. Là, tu nous as mis l'eau à la bouche là. T'en es où dans ta cuisson? Ah, c'est pas le moment pour la question là. Il est en train de sortir son bœuf de la poêle. Ah, c'est bon. Ça y est? C'est cuit? Le bœuf est cuit. Ouais. Il manque des épinards qui sont pas cuits. Mais sinon, il est bon. C'est pas obligé. Le dessert, il est bon. Ah, les épinards frais, en plus, ils viennent de Russe, là. Mais donc, oui, c'est les épinards de où? Ils font, comment? De rue. De rue, c'est le gaeg de, je vais mal le dire, je pense. Le gaeg de sauce. Ah, gaeg de la sauce. Voilà, c'est ça. C'est comme la sauce, mais avec un L avant le. Un L. Voilà, c'est mais ça. Un culte que je suis, j'ai cru que c'était une valeur sur un vin, moi, gaeg. Je sais pas pourquoi. Non. Groupement agricole. Voilà. J'apprends des choses, c'est bien, merci d'être venu. Ok, donc on a que du local là aujourd'hui dans l'assiette? Oui, je les ai vus à Tiefos. À Tiefos, ce samedi matin, ils vendent les fruits et légumes. Donc à la ferme aux hirondelles. Ah, génial. Donc on s'est rencontrés, nous on y va avec Adrien aussi une fois par mois, tous les deuxièmes samedis de chaque mois. Et puis après en dehors on va quand même y faire un tour hein, parce qu'on a des collègues aussi là-bas qui vendent toujours des bons produits. Ah ouais, carrément. Donc c'est pour ça les épinards aujourd'hui ils viennent de rue sur Moselle. Et ça tombe bien, comme j'y vais ce soir, j'utilise des produits aussi qui sont du coin parce que j'y serai ce soir. Donc voilà. Bah oui, et puis c'est un petit peu le fil rouge de toute cette histoire. Hein. Exactement. Voilà. Adrien, pour te permettre de te lancer, tu avais mis en place, il me semble, un financement participatif. Comment ça s'était passé, tout ça? Ça s'est très bien passé puisque l'objectif a été atteint. Donc en fait, arrivé à la fin de l'installation, je me suis autofinancé. Donc je n'ai aucun crédit, je ne dépends d'aucune banque, etc. J'ai investi l'argent de ma rupture conventionnelle et ce que j'avais de côté pour aménager la brasserie, acheter le matériel, etc. Et à la fin, ça devenait un peu short pour pouvoir continuer. Donc j'ai fait appel à Mimosa pour le financement participatif. Et donc ça s'est très bien passé. J'avais mis un plafond à 6000 euros pour pouvoir avoir un fonds de roulement pour commencer, pouvoir acheter mes premières bouteilles vides pour pouvoir les remplir. Et donc l'objectif a été atteint et dépassé. Donc ça a permis déjà de faire connaître la brasserie et en plus de permettre à des gens d'anticiper et d'avoir des contreparties sympas, notamment les verres, des bières, des apéritifs en fonction de ce qui me donnait. J'ai manqué ça. Ah, oh, c'est pas vrai. Mais c'est pas grave, il y a encore de la bière, tu peux toujours en acheter. Ah ben je viens d'en acheter, c'est sûr. Alors il a fallu que tu t'équipes en matériel, tu parlais de bouteilles vides, il y a eu quoi d'autre parce qu'on se rend pas trop compte? Alors, sinon. Il faut déjà il y a eu l'aménagement donc la brasserie puisque c'était un garage brut hein, il y avait pas d'eau, il y avait pas vraiment d'électricité. Il a fallu cloisonner pour créer une chambre de fermentation isolée qui est maintenue à température, faire toute l'électricité, etc. Donc il y a besoin de quoi? Il y a besoin de cuves. Moi j'ai 3 cuves, je travaille sur des cuves de 200 litres, mais je vais sûrement bientôt passer en 300 litres parce que c'est un petit peu juste pour le moment, j'arrive pas trop à répondre à la demande. Ah oui. Donc il faut des cuves, il faut moi j'ai une chambre froide, il faut des moulins à malt, il faut des bouteilles, il faut des capsules, il faut plein de choses. Mais on se rend pas compte hein. Non, oui, au final j'ai qu'un local de un petit 40 mètres carrés et c'est un peu limite. Ouais. Mais bon, avec de l'organisation, on y arrive. Victime de ton succès, tu vas ouvrir un gros truc. Ouais, t'as peut-être pas envie d'ailleurs. C'est pas forcément de faire un gros truc justement, c'est de quand même rester un petit peu peu à taille humaine. Si j'arrive à travailler tout seul et à gagner ma vie tout seul, c'est tant mieux. Après, pourquoi pas évoluer un petit peu. Mais le but, c'est pas non plus de devenir énorme, c'est de garder mon identité. Voilà. Tu travailles seul, du coup, il y a personne vraiment qui travaille seul. Okay. Ouais. Après, il y a des gens qui m'aident de temps en temps, notamment embouteiller, des choses comme ça. Mais sinon, en majorité, oui, je travaille seul. C'est quoi l'étape la plus délicate? La plus délicate, allez, je dirais le contrôle de la fermentation. Ok, c'est ça qui fait le goût ? Alors c'est ça qui fait le goût et c'est ça qui fait que la bière, elle va pas trop mousser ou ne pas mousser. Ah ouais ? Faut une température constante, faut pas que les levures soient trop stressées. Enfin, voilà, c'est un organisme vivant finalement qui travaille. Hein, donc voilà, on peut c'est même génial. Leur mettre de la musique. Hein, ce qui c'est paraît, il y a des études qui ont prouvé que les levures en musique fonctionnaient mieux. Alors est-ce que c'est les micro-vibrations qui font que ça, je ne sais pas, j'ai pas lu en détail l'étude, mais il faut pas que les levures soient trop stressées. Mmh. Ça, c'est incroyable. Ah oui, sinon elles font des faux goûts et puis ça peut être moins bon. Bah dis donc. C'est un peu comme les humains quand on est stressé. Carrément, c'est tout à fait ça. Est-ce que tu peux nous expliquer les grosses étapes de la brasserie? Oui, bien sûr. Donc les grosses étapes, d'abord il faut concasser le grain qu'on va faire infuser. Pourquoi on concasse le grain? Parce que nous on veut l'amidon qui est contenu dans le grain. Et donc d'accord. Il faut casser l'écorce du grain pour avoir accès à l'amidon qui est à l'intérieur. Ensuite, pour extraire l'amidon, on va mettre tout ce grain-là à infuser dans de l'eau à une certaine température, entre 60 et 70 degrés, en fonction de ce qu'on veut comme résultat. Une fois que ça a été infusé, donc on a récupéré l'amidon qui a été transformé par les enzymes du malt en différentes molécules de sucre fermentissible, on passe à l'ébullition, c'est-à-dire qu'on va stériliser la bière, et c'est à ce moment-là qu'on incorpore le houblon pour l'amertume et les arômes, en fonction du moment où on incorpore le houblon. Et ensuite, on refroidit très vite pour éviter les infections. D'accord. Puisque entre 30 et 80 degrés, on va dire que c'est des plages de température où on a de plus fortes chances de développer des bactéries. D'accord. Et ensuite, ça part en fermentation, donc ça va dans la cuve et on ajoute les levures. Et à partir de là, c'est la fermentation qui démarre. Ok, ça dure combien de temps la fermentation ? La fermentation, ça va dépendre des bières et des levures si elles sont en forme, mais c'est entre 2 et 3 semaines, voire un mois. Après, il y a des bières de garde qu'on peut faire vieillir en fût de chêne, des choses comme ça. On peut faire plein de choses différentes, mais en moyenne, entre 2 semaines et un mois pour une bonne fermentation en fonction des bières. Super. Eh bien, dis donc, on en apprend des choses. Dom, t'as déjà été le voir, Adrien, dans sa brasserie, t'as déjà essayé ? Oui, bien sûr. Ben, forcément, j'y suis allé. Après, moi, je m'y connais rien sur... Il a été la tête sous le goulot, là, pour récupérer les premières Non, mais c'est une bonne expérience, parce que j'ai découvert les sorts de houblon. Et puis j'aime bien goûter, voir un petit peu ce que ça a comme goût. Donc faut pas le faire parce que c'est pas terrible à goûter, mais c'est enrichissant parce qu'au moins j'ai une idée pour travailler un petit peu ce produit-là autrement. Donc c'est pour ça que quand j'y vais, c'est toujours intéressant vu que moi je m'y connais pas. Et c'est sympa, il y a la place. Et puis je crois qu'il va développer quelque chose d'autre que de la bière. Je crois. Après, je sais pas, c'est lui qui sait. Mais il fait d'autres produits qui sont aussi sympas et à découvrir aussi. Je crois s'il a mis une vidéo sur Facebook quand il a cuit des ananas. J'en dis pas plus. Je pense que c'est à lui de le faire. Mais oui, on va en parler. Et, c'est vraiment des bons produits avec des produits bio, tout ça, qui développent parce qu'il a vraiment de bonnes idées. Eh ben, on va en parler. T'inquiète pas, Dom. T'inquiète pas. C'est quoi le produit que tu préfères? C'est compliqué, justement, peut-être. Elle n'a pas vraiment parlé encore, mais d'accord, ok. Mais dans les bières, il fait une bière à la vanille. Alors c'est pas des arômes, c'est vraiment les vraies gousses de vanille qu'il utilise. Génial. Elle a du caractère. Moi j'aime bien ça. Ah, c'est super. Cette bière là, elle est vraiment sympa. Donc elle s'appelle la Bruni Bourbon. Ok. Voilà, c'est en bière, c'est ce que je préfère. Je suis pas trop vin, ce qui fait aussi des vins apéritifs. Je suis pas trop vin parce que c'est un peu plus sucré. Mm-hmm. Donc moi je m'oriente plus sur cette sorte de produit et puis d'autres produits qui nous expliquera aussi ce qu'il fera. Mais oui. Et voilà. On va parler des innovations, des saveurs, voilà, des différents produits que propose Adrien au sein de sa brasserie. Mais tout de suite on s'accorde un petit moment délicat, un petit moment swing avec The East Swing justement, et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Sur Radio Guimauzo. Eh ben oui, des faux steps, des petits sprints comme ça, c'est les salaires à du direct. On raconte notre vie, là. Non, en fait, on était en train de sentir tellement les bonnes odeurs. Là, tu nous as hypnotisés, Dom. Il faut qu'on lise. Adrien, le projet de la brasserie Lapin Beige, tu l'as voulu participatif, responsable, 100% local. Concrètement, ça veut dire quoi, en fait? Comment tu travailles, du coup? Alors, ça peut avoir beaucoup de facettes différentes. Déjà, le participatif, déjà, il y a le financement participatif, forcément. Il y a aussi tous les gens qui veulent venir m'aider, ils sont les bienvenus. Ça, c'est génial, ça. S'ils veulent venir m'aider à faire un brassin ou quoi que ce soit, découvrir, ils sont les bienvenus. Super. Pour ce qui est de la cueillette, puisque pour faire les vins, je vais à la cueillette du sureau, à la cueillette des jonquilles, puisqu'il y a du vin de jonquilles qui va arriver. Ben ouais, tu vas même cueillir les plantes dans la forêt. Ah bah oui, oui, tout à fait. On prend les produits là où ils sont, c'est la nature, donc c'est ce que la nature a de mieux à nous donner. Du coup, tu ne t'aimes pas, en fait. Tu te dis, voilà, si je trouve ça dans la... Voilà, en fonction des saisons, etc. Et pour la rhubarbe, c'est majoritairement de la rhubarbe qui vient des jardins de particuliers. de mon jardin évidemment, et aussi des jardins des particuliers qui n'utilisent pas toute leur rhubarbe. Plutôt que ça moisisse dans le jardin, bah, autant que ça serve à quelque chose. Super. Voilà, après pour la partie responsable, alors malheureusement on peut pas faire de la bière 100% vosgienne puisqu'il n'y a pas vraiment du houblon et du malt dans les Vosges. Ça se remplace pas ça par autre chose? Par du pain, mais on peut pas tout remplacer par le pain. Mais le pain, bah voilà, c'est pareil, c'est la démarche de revalorisation des déchets. Je récupère le pain, les invendus de pain à la boulangerie Perrin à Vanier au centre, et puis je l'incorpore dans mes recettes, dans ma recette de bière au pain. Super. Donc en fait, le but, c'est de trouver une solution responsable, locale à tout défi entre guillemets, à tout ce qui vient en face de moi, si c'est possible évidemment, hein, parce que des fois trouver une solution bio, ça va être plus énergivore en le prenant plus loin, etc., que de le faire localement, même si c'est pas bio. J'ai fait le choix de ne pas travailler en bio, mais j'utilise beaucoup de produits bio. La preuve, je vais en cueillir, je prends des produits bio aussi, mais pas tout. Parce que le label bio, c'est un petit peu compliqué, c'est un peu contraignant, oui, non? C'est compliqué, notamment dans la bière, où il faut du houblon bio, mais il y a des dérogations, mais ça devient de plus en plus compliqué d'avoir des dérogations. Enfin bon, plutôt que moi, je veux faire de la bonne, on peut faire de la bonne bière sans que ce soit bio, on peut mettre des ingrédients bio, etc. Puis c'est plus abordable de le faire quand c'est pas bio. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Il y avait aussi l'eau que tu utilises pour le refroidissement du brassage, tu réutilises cette eau? Oui, bien sûr, ouais. Donc toute l'eau qui est utilisée pour refroidir la bière est réutilisée pour la vaisselle, et c'est aussi réutilisé pour, surtout en été, pour le jardin, arroser le jardin, parce qu'on a des étés très secs. Donc soit pour le voisin, soit pour notre jardin à nous, ça va dans le voisin. Sachant que du coup, pour faire la vaisselle, la première vaisselle, le premier passage, je mets pas de produit. Donc l'eau de la vaisselle peut arroser les jardins environnants. Et il doit être content, le voisin. Il est très content. Bah, il me fournit beaucoup de rhubarbe, alors un juste retour. Ah, c'est chouette. C'est chouette. Ils ont tous été d'accord, les gens autour de toi, pour participer, voilà, troquer un peu. Oui. Moi, en même temps, ceux qui n'étaient pas d'accord, je dois pas les connaître, en fait. Donc. Voilà, ça c'est dit. Allez, on y arrive dans le vif du sujet. Tu proposes plusieurs produits, plusieurs saveurs. Dis-nous tout. Alors, bah, bien sûr, la bière, on en a déjà beaucoup parlé. Ensuite, il y a les apéritifs artisanaux qui s'appellent la larme à l'œil. Pourquoi? C'est tellement bon que ça t'en donne la larme à l'œil. La larme à l'œil, c'est du vin blanc ou du vin rosé infusé aux fleurs de sureau avec un peu d'eau de vie de Mirabelle de Montverger et un peu de sucre. C'est très bon. Et donc, il y a les vins, donc vin de sureau, vin de rhubarbe et le vin de jonquille qui va arriver très bientôt. Vin de jonquille, ça doit être très particulier, ça. Ah, c'est quelque chose, c'est unique au monde. C'est quelque chose que c'est difficile à décrire tellement c'est particulier, puisque je ne sais pas si vous avez déjà essayé de manger une jonquille, mais... Écoute, ça m'est pas venu comme ça. Pressoir des truches. Tout à fait. Pressoir des truches qui avait ce produit-là quand c'était encore en activité. Ouais. Et qui avait d'ailleurs reçu un prix dû aussi à la rareté du vin. Ok. Sur des concours ou des... ou des rassemblements de brasseurs et tout ça. Donc c'est pas un produit qu'on peut trouver partout. Et du coup, c'est ça qui est bien, c'est que même ici, il n'y en a pas beaucoup qui en font. Et ben voilà, comme je disais, il a pas mal d'idées, donc il se démarque pas mal, même dans les bières aussi, les noms des bières, les sortes de bières, et aussi même dans les vins. Ok. Ce qui est intéressant, voilà, trouver quelque chose d'un peu d'atypique. Ça vient comment, les idées? Tu passes à côté d'un bouquet de fleurs, tu dis waouh, ça c'est cool. Le vin de jonquille, c'est pas vraiment mon idée, puisque effectivement ça existait déjà, je connaissais, c'est juste que moi j'ai développé ma recette, puisque malheureusement Jean-Charles, du pressoir des truches, n'en fait plus. C'est la frustration qui t'a donné envie, tu vois, t'aimais tellement. Bah, j'avais jamais goûté. Ah d'accord. Donc, je me suis dit, je vais quand même goûter, et puis si ça le fait, on pourra le commercialiser. Donc j'ai fait les tests l'année dernière, et donc les tests ont été concluants, et cette année, il y a 450 litres en fermentation. Ah oui, quand même, d'accord. Donc il y en aura pour tout le monde, ou presque. On va se mettre sur liste d'attente. Donc tu fais des recettes, tu fais comment pour valider le test? Tu fais goûter? Bah, je goûte moi déjà, forcément, et puis je fais goûter autour de moi, au gens qui m'entourent et je voisins. Leur avis, ouais, voisins, famille, un peu tout le monde. Pauvre voisin, ça va mal finir. Oui, non, oui, il faut pas trop après, avec modération. Il y a eu d'autres innovations comme ça? Oui, et là vient d'arriver le rhum arrangé, le Don Pain Bêche. Ah, le voilà, Dom Pain Bêche. Le Don, pas Dom. Ah ouais. Le Don, comme le Don Papa. Je croyais qu'il te voyait en Pain Bêche. Là, j'ai eu une visualisation de toi complètement. Non, le Don Pain Bêche. Et là, on est sur quelque chose de. Donc, on a du rhum bissap, c'est-à-dire fleur d'hibiscus. Oh la vache. On a du rhum Fefton Cavani, qui vient d'être embouteillé cette semaine. Et celui qui va arriver, ça va être le ananas flambé cannelle vanille. Aïe, aïe, aïe. Ananas flambé au... Je sais plus à quoi je l'ai flambé. Au cognac. Oui, au cognac. Et voilà. Donc, l'avantage de ces rhums, c'est qu'il y a différents packaging. Il y a des packaging haut de gamme pour des beaux cadeaux. Il y a des packaging plus simples, mais quand même sympas. Donc, il y a un peu de tout. Il y a de la tête de mort. Et l'étiquette, c'est un sous-boc qui est marqué au fer rouge avec le logo du Don Pain Bêche. Génial. Donc, qui est réutilisable en sous-boc, en déco. Voilà. Super. En plus, c'est abordable. Il y en a pour tous les prix, en fait. Voilà, pour tous les budgets. Tout à fait. C'est cool. C'est cool. Alors, il y a un certain nombre de brasseries déjà dans nos coins. Est-ce que ça a été simple pour toi de t'installer? Qu'est-ce qui te différencie en fait des autres? Tout, j'ai envie de dire, parce que tout, on est tous différents, donc personne ne se ressemble, et c'est très bien qu'il y ait beaucoup de petites brasseries comme ça. Je préfère beaucoup de petites brasseries qu'une seule grosse. Ça permet de l'émulation, ça permet de la diversité pour les consommateurs. Il y en a pour tous les goûts, puisque il y a tous les goûts sont dans la nature et on peut pas faire tous les goûts. Mais heureusement, j'ai envie de dire, ça laisse de la place pour tout le monde. Donc non, c'est très bien. Ça augure une belle fête de la bière bientôt. Ah ben carrément. Organisée par une Beaujolais Trust peut-être. Ah, bah, j'espère qu'on sera invité. Ah ben tout le monde est invité à ce genre de choses. Allez, je vais plonger la main pour saisir mon prochain disque chouchou parce que je crois que on va bien bientôt passer à la dégustation, Dom. Quand vous voulez. Allez, c'est parti. Ok, super. Le prochain son, eh bien, c'est toi, Adrien, qui me l'a proposé. King Crimson, c'est comme ça qu'on dit. King Crimson, tout à fait. Ok, pour Schizoid. Schizoid Man, pour moi. Tout un programme. Tout un programme. Voilà. Pendant ce temps, nous, on va se régaler. J'espère que tu te fais plaisir aussi, toi, ben, auditeur à la fond. Maison. Voilà, on est content. Bon appétit. Ouais, quelle ambiance dans le studio. Merci Adrien pour cette découverte. Je connaissais en fait, mais j'avais pas le nom derrière ce son en fait. Voilà. Ça y est, on est en train de goûter. Comment ça se passe? Ça déguste. Il est frustré, le pauvre Adrien. Non, je suis pas frustré. Moi, j'ai l'habitude de ce qu'il fait. D'accord. Autant que vous en profitiez. Allez, petite info en passant. Le Centre Léo Lagrange fête ses 40 ans. Et pour célébrer l'événement, il organise un grand jeu. Partez à la recherche des 40 léopards disséminés dans le quartier du Solserre. Chacun porte un morceau d'une phrase secrète à l'aide des chiffres reconstitués là sur le bulletin que vous trouverez sur leur site internet et déposez-le au centre avant le 31 mai à 18h. Un tirage au sort sera effectué et parmi les bonnes réponses, eh bien les gagnants recevront des cadeaux. Retrouvez le règlement complet du jeu dans leurs locaux ou sur leur site www.centreleolagrange.fr. Voilà, une belle initiative. Allez, assez discuté. Dom, est-ce que tu es prêt? C'est le moment où on passe Adrien à la casserole. Quand tu veux. Allez. Alors, pas d'inquiétude, là, Adrien. Pas prêt. Ouais, tu peux garder tes habits, t'inquiète pas. Ah. C'est le moment intime, mais tout va bien. Tu peux garder ton beau t-shirt. Alors, Adrien, est-ce que tu dirais que tu es plutôt liqueur de sapin ou de Mirabelle? Ah, Mirabelle. Plutôt brune ou blonde? Ben, la bière brune, les filles aussi. Shoot ou shop? Shot. Digestif ou apéritif? Bon, les deux. On a le droit de dire les deux. Bah écoute, normalement je choisis, mais on a bah allez, digestif alors. Ça veut dire qu'on est arrivé à la fin. C'est vrai. Comptoir ou terrasse? Terrasse. Plutôt blanc ou rouge ou vert du coup? Bah rouge. Doux ou dur? Ah, j'ai cherché. Alors doux, c'est quand le pain est sucré, dur, c'est quand il est vachement sec. Tu vois, j'ai travaillé sur ce moment. C'est dur comme question. Donc doux alors. Doux. Allez, adjugé. Doux. Carre carrelée ou terre battue? Ah, carrelée, allez quand même. Carrelée. C'est plus facile à nettoyer. Oui. Grave. Avec ou sans mousse? Bah avec mousse. Décapsuleur? Ou avec les dents? Non, je tiens à mes dents, alors capsuleur. Merci Adrien, c'était le moment où tu passes à la casserole, ça s'est bien passé. Ah oui, ça, très bien même. Ça s'est bien passé. Allez, si on veut acheter l'un de tes produits, on peut venir directement à la brasserie? Bien sûr. C'est génial, on peut te trouver sur les marchés aussi? Alors, comme disait Dom, marché de Thiéfosse le deuxième samedi du mois. Oui. Après, je ne fais pas de marché municipal ou choses comme ça. Mais il y aura des marchés ponctuels et des événements ponctuels de temps en temps. Génial. Pour le moment, bien sûr, on ne sait pas. Mais a priori, à La Forge, le marché de la MAM, qui sera le, je sais plus, début juillet, je ne veux pas dire de bêtises. On trouve les infos sur ta page Facebook? Oui, de toute façon, je donne les infos sur la page Facebook et les horaires d'ouverture sont évidemment sur la page Facebook. Et on peut aussi m'appeler sur rendez-vous si jamais vous ne pouvez pas passer pendant les horaires d'ouverture. Merci Adrien, c'est gentil. Dom, le goûteur à côté de moi est comblé par ta recette. Bon, bah ça c'est va. Bon. Si c'est confirmé, j'aurai le droit de revenir. Est-ce que tu as goûté ta sauce avec la bière? J'ai goûté la sauce, effectivement, bien. Alors, avant, j'ai goûté la sauce. Est-ce qu'elle est bonne? Moi, je trouve que ça change. Et je trouve ça bon, forcément, parce que il fallait juste rajouter un peu de sel, poivre. À voir avec l'ensemble, parce que moi, j'ai pas goûté la viande avec. Donc ça, c'est à vous de me dire. Mais la sauce seule, je trouve qu'elle a du caractère. Et ça ajoute une petite touche au reste, ouais, parce que c'est bien qu'il y a un petit peu de peps dans le plat, parce que sinon on s'ennuie. C'est ça. Donc c'est comme dans les cheveux, faut que ça change. C'est ça. Une déco sympa, c'est cool, mais après faut quand même qu'on se fasse plaisir dans l'assiette en mangeant. Donc pour moi, je pense que ça va. Les épinards, ils sont juste sel, poivre, avec un peu d'huile pour la cuisson. Donc simple, light entre guillemets. Mmh. Et après, c'est à vous de. Bah, mon petit goûteur à côté dit qu'il n'aime pas les épinards en temps général et qu'ils sont très bons. Mmh. Donc c'est challenge réussi. Ah c'est voilà. Bon bah c'est les épinards du coin, donc c'est très bien. Eh ben voilà, bravo Dom. Encore une fois. On vous retrouve tous les deux ensemble sur certains marchés. Ouais. Faut parler parce qu'on n'est pas à la télé toujours. Mais qui parle? on se retrouve deuxième samedi chaque mois. Ok. Deuxième samedi chaque mois. Et puis, on va voir comment ça va se passer. Il sera pas forcément présent, lui. Il y aura quand même ses produits. C'est au camping du Mété. Eh oui. Parce que c'est un malin, il dit pas tout. Il fait une petite limonade qui est sympa aussi, qui est vraiment cool. Mais on n'a pas le temps pour tout dire. Voilà. Faut en garder pour la prochaine fois. Ah ouais, il reviendra, c'est voilà. Bon. Voilà. En attendant, on pourra trouver ça au camping du Mété. Oui. Directement là-bas, il y a la limonade, il y a des bières aussi. Et puis, comme j'y vais toutes les semaines, on devrait réussir à faire quelque chose pour qu'ils viennent faire des interventions. Pour les cours de cuisine que je vais faire au camping à partir de juillet. Et donc un thème toujours un peu différent comme à la radio. Il viendra au moins une fois par mois pour parler un petit peu de ses produits comme il l'a fait là. Super, tu nous tiendras au courant de tout ça. Bien sûr. On se revoit très très vite. Justement, est-ce que tu as des endroits, Adrien, où tu déposes tes produits en dépôt-vente en plus? Oui, vous pouvez trouver des produits Lapin Bêche au comptoir de Vosges-Bocaux au centre de Vanier. Donc au camping du Mété évidemment, mais bon c'est plus pour les touristes, les gens, les locaux vont pas forcément aller là-bas, sauf si vraiment ils veulent un verre de limonade, puisqu'il y a que là-bas que vous pourrez en trouver. Ah oui, d'accord. Parce que c'est limonade pression. Trempette les pieds dans la piscine naturelle avec un petit verre de limonade, et ça c'est quand même la glace. Limonade nature ou limonade gingembre citron. On va y aller tout de suite. Alors il y a un partenariat qui va arriver avec le restaurant Les Mimosas à Vanier. Les Lilas. Les Lilas à Vanier qui vont mettre leur bière, ma bière à leur carte. Et le Chouette Marché aussi à Cornimont, mais pour l'instant, c'est pas encore d'actualité. Donc je dis juste ça comme ça. Tu reviendras nous voir pour nous dire la suite. Avec grand plaisir. C'est super. Est-ce que des fois tu accueilles du public pour expliquer un peu le processus dans ta brasserie en tout cas? Oui, bien sûr. La brasserie est tellement petite de toute façon que quand vous venez pour acheter de la bière, vous êtes obligé de tout voir. Donc c'est génial. Donc il y a les explications qui vont avec. Comment est fait le produit, c'est, je veux dire, ça a pas de prix, ça. Ah tout à fait, oui. Ça devrait être comme ça partout. Mais tout à fait, je suis bien d'accord. Alors, le logo de Lapin Bêche, il est juste exceptionnel. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ce logo-là? Oui, bien sûr. Dis-nous tout. Eh ben, écoute, c'est une femme des années folles, avec son comme petit tu les aimes. Porte, exactement, avec son petit porte-cigarette, là, le début de l'émancipation de la femme, qui... Brune. Brune, alors on sait pas, c'est en noir et blanc, alors... On imagine. Mais voilà, une femme avec un air sérieux, un peu pain bêche. J'imagine que ça retranscrit pas mal l'idée. Et voilà, donc je suis assez fier parce que c'est moi qui ai tout fait tout seul. C'est pas vrai? Si. Tu l'as dessiné? Alors je l'ai pas dessiné, j'ai pris une photo, j'ai pris un modèle photo et après j'ai... Oh, c'est réussi. Tout à fait, je suis très content. Bah oui, nous aussi. Si on veut dessus sur les réseaux, on l'a dit tout à l'heure, c'est brasserie Lapin Bêche. Ouais. On peut te trouver ailleurs. Je sais que t'es présent sur l'Ocapi aussi. L'Ocapi. Ouais. Alors l'Ocapi, j'ai un peu délaissé là. C'était bien pendant les confinements, oui, mais voilà, on peut trouver sur l'Ocapi. Tout n'est pas forcément à jour, sinon sur Facebook. Alors, Dom, faut enlever le... Ah non mince. Sur l'Ocapi ou sur Facebook. Surtout, j'utilise surtout Facebook. Alors, je suis pas très très réseaux sociaux, donc je n'ai pas 15 000. Il y a un petit peu Instagram aussi, mais j'arrive pas. Bon, laissez Adrien tranquille, il est en direct sur Radio Guémozo. La personne qui t'appelle n'est pas à l'écoute. Tout à fait. Ok, super. Est-ce que t'as des projets pour la suite? Alors les projets, là c'est surtout de pérenniser l'activité, parce qu'au niveau produits, on commence à être pas mal là, il y a quand même pas mal de produits. T'en as combien à peu près différents? Il y a 5 bières, il y a 3 vins, 2 apéritifs, 3 rhums. Ah oui. Donc pour mon petit local, ça commence à faire mal. Sinon, peut-être que je vais essayer de louer un entrepôt pour pouvoir entreposer, parce que moi, mon problème, c'est le stockage. Ok. Donc pour le moment, surtout pérenniser. Ça fait pas encore un an que j'ai commencé. Les produits ont été commercialisés début septembre l'année dernière. Donc pour pérenniser, étudier les possibilités. Mais il y aura toujours un petit peu de nouveautés de temps en temps. Mais ça a bien commencé quand même, tout ça. Ah ça a bien commencé, oui. Ouais. On te souhaite plein de belles choses, plein de réussites. Dom, t'as des projets, toi? Toujours. Pour la suite. On se retrouve bientôt déjà. On se retrouve bientôt. C'est dans déjà ça qui, est bien. Moi, j'ai la reprise des activités gentiment. Ce soir, rustique. Ouais. Donc, vu que je travaille aussi dans les bars, remirons pas tout de suite. On va attendre un petit peu. On va attendre juillet, je pense, avant de venir faire à manger au Middle Food et au Middle Pub. Et puis, donc ce soir, ouais, au Rustique, une carte pareille, le même plat qu'aujourd'hui. Ah génial, regarde, midi. Regarde. Donc bon, tout a été mangé, ah, c'est parfait. Ce soir, c'est la même chose. Il y aura 3 burgers, des pop-corn, du brownies, voilà, des choses qui vont bien, du poulet, tout ça, c'est sympa. Donc au Rustique, ouais, ce soir, et ce sera toutes les semaines, tous les lundis soirs. Donc ça, c'est pour l'instant, c'est comme ça, et puis on va commencer à reprendre l'activité petit, ouais, à petit, à rajouter des dates pour partir tout l'été comme ça. Voilà. Food Not Bond, ça marche encore ? Oui, tous les derniers dimanches de chaque mois. Donc c'est le tertre. Ouais. Remiremont, le petit kiosque, ouais, à partir de 12h30. Si vous pouvez amener des consommables, genre des boîtes dans la vie quotidienne, dans ce que vous achetez, ce serait sympa. Mais sinon, c'est tous les derniers dimanches de chaque mois. Super, merci mille fois. C'est dimanche, quoi. C'est ça, dimanche c'est... après. Dimanche ici. Dimanche qui arrive. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Ok, donc dimanche qui arrive au tertre. Voilà. C'est ça. Pour moi, c'est tout. Bah, merci mille fois d'avoir été présents tous les deux ici, merci, dans les studios de... Merci, c'était super. Bah oui, moi aussi. Super, j'ai... bon moment. Oui, c'est vrai. Très, très réciproque. Cette émission sera rediffusée jeudi à midi et sera très prochainement podcastée sur notre page et profil Facebook. Qu'est-ce que je vous souhaite pour la suite, les garçons? Un bel été. Ouais. Un bel été de partage. Libre. Ouais. Un bel été libre, oui, carrément. Et puis, le temps. Allez, le printemps. L'été, ça veut dire. Oui, ça veut on va faire une danse sur le parking pour invoquer le printemps, là. Ça pas vous dit besoin de tonnelle. Ça te plaît, toi, comme ça? Ok, bon, chacun son truc. Cool. Okay. Bah, merci à vous. Mais merci et puis, à toi. N'oubliez pas, notre vie, c'est le produit, toujours. Ah, voilà. Ça, c'est beau, belle devise. Oublier, belle devise. Merci beaucoup, Dom, en tout cas, pour ton investissement et ta participation et tous les très belles personnes que tu me ramènes ici. Je pense qu'on va faire de très belles émissions ensemble. Ah, il faut aussi que les gens découvrent aussi un petit peu les artisans. Mais oui. Qui sont pas très loin, qui font des bons produits. Faites vivre le local. Voilà, exactement. Il y a tellement de belles choses, de bonnes choses à découvrir en plus. Donc on va essayer d'en faire découvrir des autres au fur et à mesure. Deal. Voilà. Auditeur, je te laisse avec la suite de nos programmes. Retrouve à dès 14h Chris pour une nouvelle fréquence libre qui lui aussi est en direct. Et oui, on chôme pas nous à Radio Gémozo. Même les jours fériés, on vient travailler. Bon, là j'avoue, c'était pas trop du travail. Prends soin de toi, auditeur, et surtout, eh bien, prends soin des autres aussi. Allez, kiss, à la semaine prochaine. I'm not afraid to die.